Fresh Air Community Radio is KFAI, 90.3 FM HD, Minneapolis, St. Paul. Online and archived at kfai.org. Radio without boundaries. The following KFAI program was recorded earlier for broadcast at this time. Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis, Saint-Paul et en ligne sur kfai.org. L'émission que vous écoutez est Bonjour Minnesota. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM in Minneapolis, Saint-Paul and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. Bonjour, bonjour. Bonjour Freddy, comment vas-tu? Ben, ça va et toi Romain? Eh bien, ça va bien aussi, il fait beau, tout va bien et c'est le mois de mai. Yeah, it is May indeed. Yes. And Saturday was May 1st and yeah. So this week... Which in France is Labor Day. I think it's French Labor Day, la fête du travail. Yeah, but I think it's Labor Day for most of the world. I mean, most people celebrate Labor Day on May 1st. So all the songs are going to be geared toward work, mm-hmm. strikes, you know, union and that sort of things. I mean, we have already played some, so. Yeah, and that's kind of something that we do every year. We always do the theme of work and labor around May 1st. So, and I don't think there are many songs also about Lily of the Valley, Le Muguet. Because that's also the tradition in France to give people, to wish them luck, un brin de muguet, a stem and of Lily of the Valley. If you sell Lily of the Valleys too, you can sell them in the street and mm-hmm. you don't need a license that day or anything like that. Exactly. So yeah. It's frequent for people who want to make a little bit of money to go drive the outside the city. Mm-hmm. Yeah. And you know, get some and come back. And on May 1st, you can sell them. It's also, of course, a day off, so nobody works. And it's pretty well respected. There are some other holidays, especially in May, that are plus or less respected. I mean, like, it's not that it's respected or not. It's that most of the businesses are closing on May 1st, mm-hmm. where for May 8th, which is the celebration of the end of World War II, mm-hmm. or for the other holidays like La Pentecôte and... Which are more religious. Right. Most of the people are now staying open. It used to mm-hmm. be followed a little bit more earlier in the century, but now, yeah. I think the business took over a little bit. Yes, exactly. And people must be mad in France because they usually don't work on weekends. And today, May 1st, is a Saturday. Yeah. So. And next year, it's going to be Sunday. So. Yeah. Because if there's a holiday, like my work, if Christmas is on a Saturday and we don't work, they give us like a day either before or after. Yeah. To in compensate. France, mm-hmm. they don't. If it's on a Saturday, you just toast for that year. So, yeah. All right. Oh, well. One of the things I wanted to talk about also is I sent an email to the people who gave us money for all the donors mm-hmm. from the last pledge drive, and I got very few answers. So if you get an email, respond with the price that you would like to get, and we got them for free. So, you know, don't hesitate. It might make you discover something. You know, something new you don't know mm-hmm. about. That's a good way to discover like new bands or bands that you just know very little about. Exactly. So we still have some. So don't hesitate and shoot us back an email at bonjourminnesota@gmail.com or check your spam folder. That could be there as well. Mm-hmm. All right. Indeed. Okay. So shall we start listening to some music? Yes, we should. Okay. Mais c'est parti, mon kiki. On y va. The first song we're going to listen to is from Les Chœurs Révolutionnaires, the Revolutionary Choirs, with L'Internationale, or The International. Then we're going to listen Prolétariat Mondial Organisé, with La Varsovienne, and Armand Mestral, with Le Chant des Ouvriers, The Song of the Workers. It's originally by Pierre Dupont from 1846. Debout. L'esclave, debout, le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tous, c'est la lutte finale, pour nous et demain, l'internationale sera le genre humain, c'est la lutte. Combattu et péri contre les riches. puissante, et nous serons à tout jamais victorieux. Aux frères, aux armes, pour notre lutte, pour la victoire de tous les travailleurs. Aux frères, aux armes, pour notre lutte, pour la victoire de tous les travailleurs. Nous dont la lampe le matin au clairon du coq se rallume, nous tous qu'un salaire incertain ramène avant l'aube à l'enclume, nous qui des bras, des pieds, des mains, de tout le corps luttons sans cesse, sans abriter nos lendemains contre le froid et la vieillesse. Aimons-nous, et quand nous pouvons nous unir pour boire à la ronde, que le canon se taise ou gronde, buvons, buvons, buvons à l'indépendance du monde. Quels fruits tirons-nous des labeurs qui courbent nos maigres échines? Trouvons les flots de nos sueurs, nous ne sommes que des machines. Nos babelles montent jusqu'au ciel, la terre nous doit ses merveilles. Dès qu'elles ont fini le miel, le maître chasse les abeilles. Aimons-nous, et quand nous pouvons nous unir pour boire la ronde, que le canon se taise au gronde. Buvons, buvons, buvons à l'indépendance du monde. À chaque fois que par torrent notre sang coule sur le monde, c'est toujours pour quelques tyrans que cette rosée est féconde. Ménageons-le dorénavant, l'amour est plus fort que la guerre. En attendant qu'un meilleur vent souffle du ciel ou de la terre. Les chœurs révolutionnaires with l'international, then prolétariat mondial organisé with la Varsovienne, then Armand Mestral with le chant des ouvriers. Programming on KFAI is supported by the French American Heritage Foundation of Minnesota, whose mission is to promote and cultivate the heritage of French language cultures. Learn about the many French American Heritage Foundation events and celebrations at fahfminn.org or on Facebook. Merci beaucoup.

pourrais te laisser nos blondes et ce comptoir une seconde si tu voulais. On pourrait se jouer de la montre, se souvenir qu'un autre monde on y croyait. It was Nancy with Faut pas être contre le travail. Then Didier Super with À bas les gens qui bossent. Les Fatal Picards with Dans un ciel de 1er mai. Now we're going to listen to Trust with Bosser 8 heures, Working 8 hours. Then les Sales Majestés, The Dirty Majesties, with Sois pauvre et tais-toi, Be poor and be quiet. Then the band called Repos d'Alhomme with Sang Noir, Black Blood. Ton salaire, c'est le salaire de la peur. Faut prendre les yeux autour de toi. Le syndicat se moque de toi. Regarde ces guirons qui nassent. Ils n'arrivent pas à la godasse. Les autres ne sont pas sérieux. C'est qu'à celui qui te baisse pas le mieux. Le patronat, je t'en parle même pas. Il n'est bon que pour les coups bas. T'as bien raison, tu bosses 8 heures. Ton salaire, c'est le salaire de la sueur. Tu verras ton âge politique. Tu fais la gueule sous les coups de fric. Tu les capes dans ce régime de flic. T'as bien raison de bosser 8 heures. Ton salaire c'est le salaire de la sueur. T'as bien raison de bosser 8 heures. Ton salaire c'est le salaire de la peur. Mon vieux, ils l'ont roulé. Pour eux, c'est qu'un futur retraité. Il est venu dans les primaires. Mère et ses guides chantent dans le cœur. L'institution n'a plus de valeur. Parce que t'as fait sa sœur. T'as bien raison de bosser 8 heures. Ton salaire, c'est le salaire de la sueur. T'as bien raison de bosser 8 heures. Ton salaire, c'est le salaire de la peur. T'as bien raison de bosser 8 heures. Ton salaire, c'est le salaire de la sueur. T'as bien raison de bosser 8 heures. Ton salaire, c'est le salaire de la peur. T'as bien raison de bosser 8 heures. Ton salaire, c'est le salaire de la sueur. T'as bien raison de bosser 8 heures. Ton salaire, c'est le salaire de la peur. T'as bien raison de bosser 8 heures. Ton salaire, c'est le salaire de la sueur. T'as bien raison de bosser 8 heures. Ton salaire, c'est le salaire de la peur. Du bétail, on se rend au travail pendant que Nico

n'a pas voté pour travailler plus, pour gagner plus. J'ai pas décidé de travailler plus. Je pensais avoir milité pour une augmentation. Je voulais pouvoir emmener les gosses au parc d'attractions. Le vendredi après-midi, je faisais les commissions. Et le samedi et dimanche, je m'occupais des rejetons. Je pensais avoir milité pour d'autres horizons. Mais les échanges boursiers sont pas de mon opinion. En vacances, hors de France, le boss et mon patron ont décidé que les heures sup seraient ma destination. Je pense qu'un jour on va tous y venir. Le moment fatal de devoir réfléchir. Si l'homme et le travail sont unis à en mourir, si comme des ânes on va bosser et ne rien dire. Je pense que le boss passe bien à la télé, mais que l'avenir de mes gosses n'est pas dans ses idées. Que le temps, le vent, les amis, l'écologie font partie de la vie et c'est pour ça que j'ai pas choisi de travailler plus pour gagner plus. On n'a pas voté pour travailler plus. Elle a mis sur le mur, en face du frigo, une photo de Besancenot. Avec sa veste la poste, elle trouve qu'il est beau, au-dessus du compost. Bravo, déjà les posters dédicacés de Ruffin, je trouvais ça austère. Je dis rien, elle fait rien à moitié, alors c'est marche ou crève, depuis qu'elle est en grève. Elle se réveille la nuit, veut manger des merguez, rêve de Philippe Martinez. Parfois en forêt, devant des champignons, elle crie Macron démission. Je lui dis qu'elle est belle, comme un défilé, comme un tir de LBD. J'ai même dû clôturer tous mes comptes à Genève, depuis qu'elle est en grève. Elle a un nouveau tatouage, juste en bas du dos. Non, non, non, à l'âge pivot. Moi, quand j'écris Anna, je mets un N en trop. Ça fâcherait Bernard Pivot. Mais j'écris en gras sur son gilet jaune, liberté pour Carlos Ghosn. Je m'amuse à jouer le mauvais élève, depuis qu'elle est en grève. Elle aime classe CGT, les autres c'est des pions, traite Laurent Berger de mouton. Le soir, on regarde pas une seule série, mais des discours de Krasuki. Pendant nos ébats, elle cite du Poutou, moi ça m'excite pas. J'avoue, je crois que je suis plus le premier au panthéon de ses rêves, depuis qu'elle est. En vrai, elle est chauffeur, elle conduit des métros, mène les gens à leur boulot. Depuis qu'il n'y a plus de rame, il reste à la maison, je vois pas pourquoi il râle. C'est con, moi depuis un mois, j'ai le cœur en fête, vu qu'elle reste près de moi, sous la couette. Je milite pour qu'il n'y ait jamais de trêve, et qu'on reste toujours en grève. It was Mustang with Pôle emploi Gueule de bois, then Trio with Travailler plus, and Les Goguettes with En grève. Well, that's all, folks. We'll be back in the studio next week with an interview of Susan Chmielowski from the Minneapolis-St. Paul International Film Festival. So it will be nice to be live from Studio 4. It will indeed. Even though it's still going to be like a Zoom interview, it's going to happen in real time. And Susan is going to, from the MSP Film Society, is going to be able to talk to us about all the French selection at the French Festival. And also, like, there's one particular movie that she really likes, and she'll talk about it at the time. The Summer of 85, I believe, by François Ozon. All right, so stay tuned for Balkan Jamboree. Exactly. With Nikolai. And à la semaine prochaine. See you next week. Bye-bye. Bye.